Satan veut de moi, veut de ma vie, mais tu ne m'auras pas. Car je suis à Christ, je lui appartiens, tu ne m'auras pas. Tu es venu en retard, Christ m'a sauvé. Comme un poisson qui a déjà avalé son hameçon, tu m'as laissé goûter la bonté de Jésus. Jésus-Christ est bon, je l'ai goûté. Jésus-Christ est bon, je l'ai goûté. Poussez les cris de joie. Alléluia. La bouche amène à l'homme ce qui l'a rejeté. Ainsi, comme celle-ci, tu veux mettre dans ma sauce ce que j'ai jeté. Satan, toi tu Christ m'a vacciné. Comme une femme, une fois l'ovule est fécondé, et dans son ventre, elle ne peut plus recevoir autre chose. Satan, toi tu Christ m'a fécondé. Alléluia. Tu me décourages en me parlant de mon passé. Tu me décourages en me parlant de mon passé. Tu me décourages en me parlant de mon passé. Mon passé a été trempé dans le sang de l'agneau. Et moi je te parle de ton futur. Tu seras brûlé comme un avion qui atteint la vitesse de non-retour. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Jésus? Jésus-Christ est